Bonjour Serena. Bonjour Paula. Où est-ce que tu préfères planquer ton argent? Ah, ouh, intéressant. Dans le jardin, ouais, dans les combles. Dans les valises. Dans les valises. Prête à emporter. Quoi. A feel of need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back. And literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Et bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Ouais. Aujourd'hui, épisode numéro 40. Hi-ha ! La crise de la quarantaine pour le podcast. Où nous allons vous parler de American Made. Yeah. En titre français, Barry Seal, American Traffic. Ah. Titre québécois, Fabriqué en Amérique. C'est classe. Littéral. Alors, film réalisé par Doug Liman, sorti en 2017, où Tom Cruise joue le rôle de Barry Seal. Ouais. Ouais. Facile. Bah ouais, on sait qui fait quoi. Il s'appelle Barry Seal, tout va bien. Tout va bien. Serena, oui. Est-ce que tu as vu ce film? Oh non, non, non, non. Non, pas vu. J'ai jamais envie de le voir. C'était le seul qui te manquait. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai tout vu maintenant. Ça y est. C'est ouf. Et toi? Pareil, c'était le seul qui me manquait, je n'avais pas vu. Oh là là. Et j'étais curieux. Aussi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il est trop cartonné. J'ai jamais entendu parler de ces films. Tu vois. Et comme souvent les films comme ça, on n'a pas trop entendu parler, tu fais ah si, c'est pas mal. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, du coup, ouais, content. Et puis ça va être un peu notre dernière surprise. Hein. Après, là, c'est fini, c'est les vrai. Surprises. C'est vrai. Oh. Ah là là, bon. Là là. Ouais, on s'approche tellement de la fin, c'est la tristesse. Ouais. Serena. Oui. On fait un résumé? Ouais, résumé, globalement, c'est des allers-retours entre les États-Unis et la Colombie, Nicaragua, tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est pas très c'est dur. Ça, ouais. Tout simple. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons notre film avec l'écriteau du Universal. Oui, je vais bien le dire, ouais, ça m'a bien marqué. Qui fait papara, papara, parapa, parapa, toum, toum. Et ça switch avec Universal Style années 70, ouais. J'ai l'impression. Ouais. Et plein d'images des télés des années 70. Donc la statue, on voit la statue de la liberté, Miss Américaine, je crois. Miss America? Miss America. Je sais pas. Des cassettes, de magnéto. Non, c'est pas les cassettes qu'on écoute. Des gens qui dansent la disco. Les manifs avec la police qui les tabasse. et les présidents. Donc, Carter. Jimmy Carter, ouais. Ouais, pardon. Je crois. Qui dit, en gros, qui fait son speech à la télé. Et on voit qu'il n'y a pas d'essence parce qu'il y a eu la crise de l'essence à un moment donné. Blablabla. 4 comme ça nous donne un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ou où est-ce qu'on est. On voit un avion avec deux pilotes, on est à l'intérieur du cockpit des pilotes de ligne. Ouais. Il y a Tom Cruise et son copilote et on voit inspiré d'une histoire vraie. Mmh. Tu fais bon. Tom, il est un pilote. Il décolle. Ils sont en retard. Il enlève l'autopilote pour avoir un petit peu de frisson. Pour avoir du frisson. Il rentre à la maison. Il y a sa femme Lucie. Oui. Lucie. Lucie. Mais il est endormi direct. Il travaille pour TWA. Oui. Donc, il y a un gros écriteau avec écrit TWA 78. Oui. Et écrit à la main. Mystère. Ouais, mystère. Plus ou moins. Artifice de mise en scène. En fait, on voit qu'il met, on voit les allers-retours dans différents, pays d'aéroports, aéroports, hein, oui. Surtout canadiens, j'ai l'impression. Ah oui, ouais, tu peux faire gaffe. Bon, bref. Et on voit qu'il met des paquets chelous dans une valise qu'après il donne à un gars qui lui donne de l'argent en cash. Oh, contrebande. Contrebande. Oh, contrebande de quoi? De quoi? Oh, mystère. Et un gars, après l'énième aller-retour, il se retrouve dans un bar de pilotes. Il y a un gars qui voit ses paquets. Mm. Un gars chelou. Il s'approche de lui, il lui dit en gros... je sais que vous faites du contrebande de cigares cubains. En fait, les exilés cubains utilisent les lignes canadiennes pour faire du contrebande. Donc, on sait que vous le faites. Lui dit, non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est un bas... Il dit, si, je sais. Ah, vous êtes de la CIA. Il dit, oui, on a besoin de vous et de vos services. Pour quoi faire? Venez voir avec moi. Il va dans un hangar, dans un aérodrome, dans l'aérodrome. Ouais. Il y a les bimoteurs, les plus vite du monde entier. Wow. Petit coucou. Il dit, si vous voulez, le gars de la CIA qui s'appelle Schaefer, il lui dit, si vous voulez, il est à vous. Nous, on a besoin que vous alliez dans les pays... D'Amérique centrale. Ouais. Nicaragua, Guatemala et tout ça. Et prendre des photos des insurgés. Oui. Des gens qui préparent la rébellion. Parce qu'on est en pleine guerre froide, donc il y a les URSS qui préparent la révolution dans les pays à côté des États-Unis. Donc on a besoin de savoir c'est qui ces gens. Et lui, avec le petit avion, il peut voler rapidement et prendre des photos et se barrer sans se faire choper. Voilà. Et donc ça sera... ils ont construit une boîte un peu bidon qui s'appelle Independent Aviation Consultant. IAC. IAC, c'est con. C'est très drôle. Et voilà, si vous voulez, à partir de demain, c'est votre nouvelle activité. Il est un peu chaud. Ouais. L'aventure l'excite. Bah, il s'emmerde en tant que pilote de ligne, en fait. Ouais. Il vole sur les bimoteurs et en gros, il dit oui, ok. Allez. C'est bon. Et à un moment, on a un arrêt sur l'image. On entend, parce qu'il se casse des pilotes des lignes, là. Oui, il démissionne. Il démissionne et on a un arrêt sur l'image. Et on entend la voix de Tom Cruise qui dit « Ah oui, c'est un peu gonflé de partir comme ça. » Et on le voit qui se filme avec une caméra et on voit sous... sous la date de la caméra qui dit 20 décembre 85. Oui. Donc on est des années plus tard. Bon, bizarre. Okay, bon. 4. Si vous voulez continuer avec moi, vous regardez. Bon, bizarre. Et part directement à la caméra. Nouveau écriteau, CIA 78. Parce qu'il a changé de job. Il commence à changer de job. En sachant que sa femme n'était pas tout à fait d'accord. Elle n'était pas au courant surtout. Ben non, lui, ah, lui en parle. Au début, lui en parle. Il lui dit « Ah, je voudrais bien faire ça. » Il dit « Oui, c'est quoi cette boîte bidon ? Tu vas faire comment ? Il est sous les machins. » Oui, il lui parle pas de la CIA, mais il dit qu'il en a marre d'être pilote de ligne, qu'il veut monter sa boîte. Et en gros, il décide de lui mentir. Il dit qu'il travaille encore pour TWA et commence à travailler pour la CIA. Parce que Schaefer lui a dit « Tu dis à personne que tu travailles pour la CIA. » Tout à fait. Donc, il va au Guatemala, il prend des photos sensationnelles au Nicaragua. Nicaragua, El Salvador, tout va bien, c'est la grande vie, c'est magnifique et tout ça. Schaefer au bureau, entre-temps, il prend plein de compliments pour les photos qu'il a réussi à choper, donc il monte un peu de grade. Et Tom Cruise dit, oui, bon, tu es content, on a des super photos, mais je dois gagner plus, du coup, parce que là, je ne gagne pas beaucoup. Il dit, ah, tu vas trouver, t'inquiète. Oui, c'est débrouille-toi, quoi, en gros. mystère. Donc il va trouver d'abord à Panama City. En fait, il devient coursier. Il prend des informations par un général qui vend en fait ses collègues de Panama qui veulent faire la révolution. Donc il prend des photos et tout ça et les amène au gouvernement américain. Donc il gagne un peu plus. Oui. Et après, il se retrouve en Colombie. Colombia, années 80. Et qu'est-ce qu'on fait en Colombie dans les années 80? Réfléchissons deux secondes. Il y a deux hommes qui arrivent avec une voiture. Il le kidnappe en gros. Il l'amène chez un gars qui s'appelle Jorge, et qui lui dit « Je suis un homme qui fait du business, je faisais des vaches, de l'élevage et tout ça. Maintenant, il faut faire du business différemment. » Quoi ? La coke, bien sûr. Donc, vous êtes un Américain qui vous venez tous les semaines ici, donc il n'y aurait pas de souci à rentrer chez vous avec plein de coke. On a besoin que vous l'ameniez à Miami. Et dit, ouais, attends, quoi, comment? Alors là, beaucoup d'informations de coke. On va vous payer 2000 euros, 2000 dollars les kilos. Et là, peut-être dit, que. Ah, okay. Ok. D'abord, il demande, un kilo, c'est quoi? 2 livres et demi. Ouais, ah, ok. Ah, ouais, d'accord. Moi, donc, Jorge se présente et présente ses collègues. Il y a Pablo Escobar, Jorge Ochoa. Ochoa? Ouais. Et Carlos Leder. C'est. Les trois qui seront les cartels Medellin. C'est ça, c'est le cartel de Medellin. Plus tard. Donc, il lui montre la piste. En fait, il est paumé dans les montagnes en Colombie. Ah ouais, dans la forêt. Dans une forêt. Il y a une piste très, très courte. Il doit charger Donc, il doit charger plein de kilos dans son avion. Il dit, mais c'est hyper difficile de partir d'ici. Il dit, ah, tu vas arriver, t'inquiète. Et il y a quelques avions crashés par-ci, par-là. Il dit, ouais, il y a des pilotes mais c'était qui ont essayé, mais c'était des très mauvais pilotes. OK. Donc, Tom Cruise charge. Il charge alors 700 kilos sur son petit avion. Ouais. Il est scotch avec des gilets de sauvetage. Voilà, des gilets de sauvetage. Il dit, je les amène par Miami. Moi, je connais la Louisiana. Je vous les amène là, dans les marécages, en fait. Il y a une petite trappe dans l'avion. Je les jette. Il y aura vos gars qui récupèrent. OK ? OK. Ouh. Il décolle. Il y arrive miraculeusement. Il arrive envoyé par la trappe. Il y a les gars qui attendent. Waouh, magnifique. Trop bien. Il pleut de la cocaïne. Il a un sac plein de... De là, il va voir les Medellin qui sont trop contents qu'ils ont réussi leur premier échange. Fête, c'est la fête. Ouh. Police, c'est l'armée colombienne qui arrive. Il fait une descente chez Ochoa. Qui chope tout le monde, et notamment Tom Cruise, et l'amène en prison. Ça commence mal, cette affaire. Ça commence mal. Donc, Il perd son sac de pognon en cours de route. Et surtout, il perd un dent. Ah oui, une dent. C'est marrant ça. Il s'est fait taper, il perd une dent. Et donc là, il est désespéré au fond de la prison colombienne. Et qui arrive ? Schaefer, donc le gars de la CIA, qui lui dit en gros, vous êtes un dealer. Demain à 6h du matin, il y aura la police américaine qui va faire une descente chez vous. Et vous êtes dans la merde. Et Tom Cruise dit, ah non, s'il vous plaît, aidez-moi et tout. Sauf si vous nous aidez pour un nouveau truc. Donc, il lui dit, en gros, les gouvernements, il a changé. C'est plus Carter, c'est Reagan. Au Nicaragua, il y a les Sandinistes. Ouais, c'est ça. Les Sandinistes qui ont pris les pouvoirs. Donc, la révolution, entre guillemets, a réussi. Il y a les Contras qui seraient la force d'opposition, s'oppose, quoi. Qui a besoin d'être armée. Donc, okay. On a besoin que vous ameniez des armes là-bas. Eh ben. Et non, il ne dit pas encore des armes, mais bon. Ouais. Et Tom Cruise dit, oui, je vais tout faire. Bien sûr. Et sortez-moi des prisons. Donc, il le sort de la prison. Il dit, bon, alors, pour demain, pour la descente de la police chez moi, ça va les faire ou vous allez l'arrêter? Et il dit, ben non, je ne peux pas. Vous allez juste déménager. Donc, il doit déménager à une heure et demie. Ouais, c'est ça. Et vous devez aller à Mena, qui est dans l'Arkansas. Alors qu'avant, il était en Louisiane. Oui, à Bâton Rouge. Oh. Ouais, on voyage. Il n'y a pas que dans l'émission Impossible qu'on voyage. C'est clair. Donc, Tom Cruise dit, OK, d'accord, je vais me débrouiller. Il va à la maison, il convainc sa femme, qui est trop en colère, et ses enfants, de déménager dans la demi-heure. Et déménagent tous à Mena. Mena, années 80, nouveau écrito. Donc, Mena, c'est un petit village de 2600 personnes. Ils se retrouvent dans une maison tout pété, ouais. Où il y a Schaefer qui les attend. Schaefer, il dit à Tom Cruise, viens avec moi. Il les attend pas, il est caché dans un coin parce que sa femme doit pas savoir. Oui, mais Tom Cruise part avec Schaefer. Ouais. Et Schaefer, en gros, il lui montre, il l'amène à un aérodrome où il y a 800 hectares. Il dit, tout ça est à toi. L'aérodrome est à toi. Les avions. Les avions sont à toi. C'est tout à toi. Il faut juste amener ça au Nicaragua. Il lui montre des AK-47 fabriqués en Russie, chopés par les Israéliens qui ont donné au gouvernement états-unien. Donc, il faut subventionner les contrats avec les armes. Ouais. Tom Cruise au début dit des armes, je suis pas sûr. Dit bon, ok. En gros. Il lui montre il lui dit mais tu sais que tout ça c'est à toi. Et dans le hangar il y a le sac de d'argent qu'il avait perdu. Oui, qu'il a posé. Vrai. Il lui dit ah mais tout ici même ce sac. Et Schaeffer lui dit quel sac. Genre, oui c'est vrai. Tu fais ce que tu veux. Il achète un peu. Ouais. Donc, contrast, année 81, il va amener les armes, mais en fait, les contrastes, il attaque, il prend ses lunettes, il prend ses bottes, et Tom Cruise appelle le chauffeur, il dit, mais t'es sûr que ces gars-là, ils veulent les armes, parce que c'est trop chelou. Il réessaye une deuxième fois, il n'y arrive pas plus. Par contre, il y a Jorge qui débarque, donc Ochoa, qui lui dit, on doit parler business, on a une nouvelle proposition, on te dit. Tu amènes les armes. Les contrastes, ils ne veulent pas du tout faire la guerre. Au contraire, ils veulent se faire de la maille. Donc, les armes, tu les amènes en Colombie parce que nous, on a besoin d'armes. Oui. De la Colombie, tu amènes de la coca au contraste. Les contrastes, ils vont amener la cocaïne à Miami. Et après, lui, en plus, Tom Cruise, en plus, il fait un petit passage à Panama chez son vieil ami, le général, qui lui donnait des renseignements pour se faire le plan et reprendre la cocaïne qui amène aux États-Unis. En gros, c'est vraiment le gros commerce. Donc, il ne peut pas faire ça tout seul. Il va falloir recruter, j'ai l'impression. Donc, il recrute quatre pilotes complètement pétés, tous dans des histoires un peu cheloues. Et c'est parti. Allez, et là. Donc, il fait les doublés jeux. Quadruple jeu. Oui, donc, un jour, Schaeffer, il arrive chez lui et il dit c'est bizarre, toutes ces armes, machin truc, on doit faire. Il est un peu menaçant, mais il dit tu amènes bien les armes au contraste. Et Tom Cruise dit oui. Ouais. Oui, pas de souci. Ok. Il dit il n'y a pas encore eu de révolution, donc on va t'emprunter des terres à Mena. Et on va faire un camp d'entraînement pour les contrastes. Donc, non seulement tu dois amener les armes là-bas, mais en plus, tu dois amener des gens ici. Donc, oui, tu dois les amener pour qu'ils soient formés et les ramener après. Voilà. Donc, les contrastes, ils sont ultra excités d'aller aux États-Unis parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y en a la moitié qui se barre dès qu'ils arrivent. Ils font on voit des scènes de camp d'entraînement, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Ils mangent des trucs, ils sont sur la Mac. Voilà. Mais entre-temps, Tom Cruise s'est fait les couilles en or. Il est méga riche. Donc, on voit Mena 82. Tout a changé. Il a une maison des ouf. Il a une piscine. Des colonnes partout. Il a fait des bagnoles. Des valises de sous partout. Alors, il dit qu'il a mis 10 millions à la Mena National, 12 millions à la Mena State, 15 millions à la Mena Trust, 40 millions à la Bria Miami, 20 millions à Panama, 7 millions dans des sacs de tondeuses, des tondeuses, 8 millions dans des valises, 4 enterrés derrière la maison. Et ils ne savent plus où les cacher. C'est ça. En fait, il blanchit l'argent dans les villages. Mais tu peux pas aller aussi vite. Mais à tous ces millions, il n'y arrive pas du tout. C'est dur. Hein. C'est dur. Oh, les pauvres. Mais quelqu'un arrive à la porte de cette énorme maison. C'est JB, le frère de Lucie, donc de la femme de Tom. Le premier petit grain de sable. Oui. Qui est un gars que tu vois déjà tu de vois base. Que c'est mort. Ça va il pas est le faire. Un peu pété. Donc Lucie dit si tu restes avec nous, tu dois travailler. Donc il nettoie l'aérodrome pour Tom Cruise, mais il voit tout. Il voit sous, il voit les chemins. Qu'est-ce qui se passe À un moment, il arrive en ville avec une nouvelle. Il arrive à la maison avec une nouvelle bagnole flamboyante, avec une fille mineure. Ils disent mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Oui, je voulais l'argent. Je l'ai vu. Il y avait des montagnes d'argent. J'en ai pris un peu pour acheter cette bagnole. Mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tac. Il y a une action dans la nuit et on voit DA. DIA. L'agence anti-drogue. Nouvel écriteau, DIA 83. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des avions interceptent les quatre pilotes qui sont en train d'amener de la coke partout. Et en fait, les bimoteurs de Tom Cruise, ils peuvent aller très lentement pendant super longtemps, alors que les gros avions, non. Donc, ils font ça toute la nuit. Les gros avions, ils se cassent et ils arrivent à l'échapper belle. Oui, parce que c'est des avions supersoniques, très rapides, mais qui ne tiennent pas l'endurance. Voilà. Donc, sachant ils s'en sortent. Est-ce que c'était... Je ne sais plus quand, il y a le discours de la femme de Reagan, mais c'était avant ça peut-être. C'est après, ça, ah, c'est après. C'est beaucoup après. Ouais. Là, c'est pile les années Reagan où c'est vraiment la drogue, c'est mal, quoi. Oui. Et en plus, il y a l'FBI qui commence à endaguer sur cette ville MENA où il y a beaucoup trop de pognon. Beaucoup de banques beaucoup d'avions. Et beaucoup de pognon pour 2000 habitants. C'est clair. Donc, bizarre, mystère. Ouais, comment il y avoir du monde un peu sur le dos. Donc, l'FBI arrive à MENA et dans la rue principale, il y a MENA Trust, MENA National, MENA... Et il dit, chelou. Et entre-temps, il y a un autre truc qui est un peu chelou, c'est qu'Escobar, du coup, il devient fou. Mmh. On dit dans le film qu'il devient fou et qu'il déclare guerre au gouvernement. Donc, les cartels Medellin est obligé de partir de Colombie. Et les seuls endroits sûrs, c'est le Nicaragua. Donc, il doit maintenant passer par le Nicaragua pour amener les armes et tout ça. On voit un policier du village de MENA qui n'a rien suspecté jusqu'à maintenant. Le petit shérif sympa. qui dit « Oh, Barry, il est trop gentil. » Il est gentil. C'est quelqu'un de bien pour la communauté. Oui, qui voit JB arriver avec une bagnole des ouf et une valise pleine d'argent. Et JB, il n'est pas très subtil. Non, il n'est pas... qui voit le shérif qui commence à courir. Le shérif l'arrête. Il va en prison. Merde, il est en prison. Tom Cruise, il essaie de dire « Ok, je vais m'en occuper, t'inquiète. » à sa femme, tu vois. Ouais. Je m'en occupe. Il en parle avec Jorge. Jorge dit « Ah, c'est JB, ça va pas mort. Du tout. On va s'en occuper. » Non, non, je m'en occupe. Non, quand t'inquiète. Quand t'as un mec d'un cartel qui dit « Je vais m'en occuper. » Non. JB sort de prison. Barry l'amène dans un endroit secret où il y a sa bagnole. Il dit « Vas-y, lui donne de l'argent. » Et JB dit « Non, mais je vais te contacter toutes les semaines. Tu me donneras de l'argent toutes les semaines. Tu es foutu, mon gars. Je te fais du chantage. » Donc, ils se disent « Ah, ok. » JB part avec la voiture et paf, la voiture explose. Voilà. C'est Georges qui s'est occupé du problème, j'ai l'impression. Ouais. Donc, il est obligé d'enterrer JB. Ouais, de planquer la bagnole. Ah, c'est vrai. Bon, après... Bon. Voilà. Hein. Entre-temps, parce que c'est pas fini, Schaffer va voir Tom Cruise et lui dit « C'est bizarre, on a trouvé 10 500 armes au Contras, ça c'est bien, mais 5 000 en Colombie. » Chelou. Pourquoi il y a toutes ces armes là-bas? Et les contrastes... ça marche pas terrible. Tac, tac, tac. On a mené la moitié de contrastes. Ah oui, non, c'est ça. C'est les chefs de Schaffer qui lui disent ça. Et ils lui disent... Et en plus, les contrastes qu'on a menés aux États-Unis, ils ne s'entraînent pas la moitié dans la forêt. Oui, ils sont partis tous. Qu'est-ce qui se passe? Donc Morty, il dit « Oh non, rien, c'est pas mon gars. » Il va dans son bureau, il dit « Brûlez tout ce qu'il y a, où il y a les noms de Barry Seal, il faut tout brûler. » Oui, parce qu'en gros, ils se rendent compte que là, ça se resserre autour de Barry Seal et il faut pas que ça se sache que la CIA bosse avec lui. Quoi. Voilà. Et Barry Seal, entre-temps, il s'est dit « Il faut tout enlever, toutes les armes qu'on a dans l'aérodrome, on les sort. » Toutes les... Donc c'est le bordel. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a des pièces pleines. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? La DIA arrive. En disant, ah, m'a l'air, vous êtes en état d'arrestation. La TF arrive, m'a l'air, vous êtes en état d'arrestation. La police arrive, m'a l'air. Et l'FBI arrive, non, c'est nous les chefs. Allez, pousse. Donc, tous ces gens-là amènent Barry Seal chez le procureur général. La procureure. Oui. Général, Dana Cibota, et qui dit « Vous allez pourrir en prison, mon pauvre. » Oui. C'est qui? C'est le gouverneur Bill Clinton qui veut vous parler. Hein? Ah. Bizarre. Ok. Très chelou. Pourquoi Clinton? Bon, et Tom Cruise, il dit bon, « Sortez tous, j'arrive dans 2 minutes, je parle avec Bill. » Tom Cruise, ça, il dit « Désolé les gars, mais je vais m'en sortir. » donc, si vous voulez, je vous paye un Cadillac à tous pour le dérangement. Ça la pète un peu. Et les policiers disent ah, tu sortiras jamais. Essaye de nous corrompre en plus. Et là, Cibota sort et dit il peut partir. Damned. Donc, il part avec des gens dans la voiture. Il dit ah, Schaffer, merci beaucoup. C'est Schaffer, non, qui m'a fait sortir. Non, pas du tout. C'est qui, Schaffer? Ah, c'est qui m'a fait sortir? Et il arrive à la Maison Blanche. Ah, d'accord, oui. On est... Bizarre. Et là, on voit le discours de Nancy Reagan qui dit la drogue, c'est mal, c'est il ne faut pas se droguer et tout. Ouais. Alors qu'en même temps... bon, <c'est... rire> Et là, on voit White House 84. Ouh. Donc, un gros, on lui dit, vous connaissez tous les gens là-bas. Vous avez fait les allers-retours des milliers de fois. Donc, vous connaissez les routes, les machins, les bidules. Nous, pour vous sortir de ces bordels, vous sortir des prisons, on a besoin des photos claires des gens qui deal. Donc, Jorge, Escobar et tout ça. Et donc, on vous donne un avion, il y a 3 appareils, vous prenez des photos avec ces petits cordons qui fait clic-clic. Ils disent, on le voit les cordons, si on le voit, nous, le Escobar, il va le voir. Non, ça va aller. OK. Donc, ils font cette opération top secret. Ils y arrivent. En fait, ils arrivent à prendre toutes les photos. Des photos très, très nettes. Très bien. Donc, Tom Cruise, il ne va pas en prison. Super. Bah, non, il ne sait pas encore qu'il ne va pas en prison. Oui. Donc, très bien. Tout le monde est trop content. Qu'est-ce qui se passe, par contre? Ils publient au journal les photos prises par Tom Cruise. Donc, on voit Tom Cruise avec Pablo Escobar sur les photos. Donc, Tom Cruise, il est foutu parce que s'il les Medellin, ils vont découvrir que c'est lui qui les a trahis, ils vont le tuer. Oui. Donc, il dit, quoi, mais ils envoient les photos à la télé comme ça, c'était pas les accords. Oh, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Bon. Après, c'est vrai que jusqu'ici, il s'en sort à chaque fois. Donc, oui. Bon, pas... Donc, Tom Cruise, il dit à sa femme, bon, retourne à Bâton Rouge. Moi, je reste ici parce que si je me barre, ils vont vous tuer à vous. Et probablement, je vais aller en prison. Je serai en sécurité là-bas. Mais il ne va pas en prison. On lui donne 10 000 heures de travaux d'intérêt commun. Donc, il est obligé pendant 120 jours d'aller au même endroit à la même heure. Et ça, c'est pas ouf. Et ça, c'est la merde. Ça, c'est pas le meilleur plan. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il change à chaque jour de motel. Il commence à se filmer, donc les fameuses images de la caméra, et raconter son histoire. Et c'est ça, les écriteaux, c'est lui qui écrit sur les cassettes Contrast 81, White House 81. Il raconte toute son histoire. Il raconte son histoire. Et il passe, il est terrorisé de mourir à chaque fois qu'il démarre la voiture. Il demande aux gens de s'écarter. Vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît? Je démarre juste ma voiture. Les gens disent, mais quoi? Et jusqu'au 120, je sais plus quel jour, 36e jour, où il va pour l'énième fois là où il y a les travaux d'intérêt commun. Il y a 4 hommes qui arrivent et en fait, il le bute. Oui. Et on ouvre les coffres de sa voiture, on trouve toutes les cassettes. Les cassettes. Voilà. L'FBI trouve les cassettes, donc on connaît cette histoire grâce à ces cassettes. Fin de film, titre de fin, il y a qu'est-ce qui s'est passé pour les autres personnages. Donc Schaffer, il était promu, pour lui, rien ne se passe. Son collègue qui a pris les photos, il retrouve Dieu après être sorti de prison. Bon. On n'a jamais retrouvé les autres pilotes qui étaient avec lui, les 4 pilotes, ils ont disparu. Les avions de Barry ont été armés pour battre les contrats. Non, donner au contrat, je crois. Oui, je ne sais plus. Ils se sont fait abattre direct au Nicaragua. Le scandale qui s'ensuit, faut qu'on use les noms de l'affaire Iran-Contras et Lucie et les enfants. Sont encore vivantes et ils habitent en Louisiane à Bâton Rouge. Fin du film. Bravo. Voilà. On se regarde un petit extrait. Oui. Alors on va faire l'extrait du premier décollage depuis la Colombie. La piste très courte au milieu des montagnes. Voilà, en gros c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont chargé l'avion à bloc. Oui. Tous les hommes, ils l'ont poussé au bout de la piste, mais vraiment... et il y a un gars dedans, dans l'avion avec Tom, mais qui a genre 120 kilos, quoi. Il dit, c'est qui ce gars? Il va surveiller. Je suis déjà 700 kilos de trop, là. Je peux pas ramener un gars en plus. Soit c'est lui, soit les produits. Hein? Là, on dit quoi, le cartel? Après, silence. Les mecs, ils sont pas cons. Là, on voit le mec qui sort de l'avion. C'est d'abord la coke. Ben, grave. Jorge dit à Tom bonne chance. Il lui donne une croix. Une croix. Dorée. Mais bon, Paris, il s'en fout. Il ne sait pas ça qui va changer que la piste est trop courte. Mais file-le quand même, quoi. Ah, vas-y, Dan. Parce que bon, là... On sait jamais. Là, c'est chaud. Hein. Faut tout l'aide dont on a besoin. Quoi qu'il va rester tout le long du film, car... Oui, c'est vrai. On la revoit à chaque fois. Il lance les moteurs. Bon, ils vont commencer à parier. Ouais, Barry va réussir, pas réussir. Tout le monde sort l'argent. Ah, et l'avion part. Ouais, c'est parti. Donc, très très lourd l'avion. Hein. Ouais. Il y a une fumée de malade qui sort de l'avion. Ça tremble de partout. Come on, come on. Allez, allez. On dirait qu'ils sont en course de chevaux, les mecs. Ouais. Ils se tapent sur les cuisses et tout. Ah, il se soulève un peu. Non. Ça marche pas. Et on se rapproche dangereusement des arbres. Hein. Il faut accélérer. Allez, ça remonte. Non, oui, non, presque. Non, presque. Un peu. Ah, ça va être ça. Ah, aïe. Non, oui. Allez, ah, allez, si. Si, ça a monté. Ouais, mais il y a les arbres là. Il y a les arbres. Ah, merde, les arbres, des arbres, des arbres. Broussaillage. Barry Seal, paysagiste. Hein. Et finalement, il s'en sort, il sort de la jungle. Wow. Il va même faire un petit bisou au Christ. J'aime bien les. Et bisous au Christ. Barry l'a réussi. Bravo, Barry. Champion, Barry. Champion. Alors. Ah, alors ce film, Barry Seal, ou plutôt Fabriqué en Amérique. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Fabriqué ben en oui, Amérique? En plus, American j'ai Made. Pas dit parce que le film il s'arrête sur les États-Unis, c'est quand même les plus beaux pays du monde, qui le dit dans ses enregistrements des cassettes. Ouais. Et il s'arrête sur l'Amérique, c'est les plus beaux pays. Et c'est fini. Et il ah meurt. Oui. Et on voit le switch. Donc, Fabriqué en Amérique, c'est pas bête. C'est pas mal. Hein. C'est pas finalement, mal. C'est le titre français le plus pourri. Oui. toi, t'en as passé quoi? Bah écoute, moi, j'ai passé un bon moment. Ça fait partie de ces films. C'est pas des grands films. C'est pas un mauvais film. Mais il remplit complètement son job. Après, on est bien sur le film du too much. parce que c'est fun, le trafic de drogue, tout ça. Il y a quand même vachement côté humoristique. Le ton est très drôle, quoi. Un peu badin, je dirais. Badin ? Badin, oui. Ça veut dire quoi ? Un ton badin, c'est un ton un peu léger. Ah oui, d'accord. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Alors quand même, il y a plein de gens qui meurent, c'est un peu du trafic de drogue, tout ça. Bon. Mais c'est marrant. Je trouve qu'il est pas mal. La réal, des fois, c'est un peu too much. Ça fait vraiment. Tu sais, la réalisation de petits malins, on va mettre des petits effets à droite, à gauche, machin. Ouais. Regardez, en fait, on va faire une voix off où c'est le mec qui a introduit le film. Ouais, bon, mais ça marche. Globalement, ouais, ça marche, tu vois. Mais c'est pas dingo. Et après, ça, le truc qu'il y a, c'est que moi, je sais pas si t'as regardé la série Narcos. Non, j'ai pas vu. Voilà. La série Narcos, elle est sortie à peu près en même temps parce que c'est 2015-2016. Jusqu'en 2018-19, je crois. Ouais, 2018. Ouais. Et ça raconte toute l'histoire de Pablo Escobar. Oui. Et notamment, il parle de quand ils font les trafics en avion, etc. Quoi. Alors, je crois pas qu'il parle de Barry Seal dans la série. Mais bon, la série est un peu plus sombre, quand même. C'est moins la dégueu. Oui, c'est moins fin. Fan. Mais t'as toujours ce truc de les années 80, c'est vraiment n'importe quoi, en fait. C'est le pognon, ils ne savent vraiment plus quoi en faire. Parce que ce soit dans Narcos ou là dans American Made, ils ont du pognon, mais ils savent vraiment pas quoi en faire, en fait. Ça devient débile à ce niveau-là. T'as absolument plus besoin de ce pognon, mais tu continues de le faire mécaniquement, quoi. Dans Narcos, t'as Pablo Escobar, il se met à acheter des animaux. il met des girafes, des hippopotames. Et je crois que même encore maintenant, en Colombie, c'est le pays où il y a le plus d'hippopotames au monde. Alors que c'est pas du tout son pays d'origine. Ah ouais, c'est vrai, parce que Pablo Escobar. Ouais, je sais plus si c'est l'hippopotame. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a un animal qui n'est pas censé vivre en Colombie et qui, en fait, c'est le pays où il est le plus présent parce que Escobar en a fait venir des tonnes. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il y a tellement de thunes qu'il ne sait plus quoi en faire. Ouais. Et qu'il planquait de la thune partout dans les quartiers de Medellin. Et que du coup, même des années après, tu détruis un bâtiment, tu trouves de la thune. C'est complètement pareil. Moi, je trouve que c'est ça qui est fou. C'est vraiment la démesure de ce truc-là. On ne se rend pas compte à quel point le trafic de coke dans les années 80, c'était démesuré, quoi. Oui, c'était la folie, quoi. C'était complètement fou. Ouais. Okay. Après, le film, il est inspiré de faits réels. Et ouais, c'est ça que j'arrive pas trop à... Bah après, je relisais un peu, il y a des petits descriptifs sur en vrai, les différences avec en vrai. Ça n'a jamais été prouvé qu'il a bossé pour la CIA, par ici. Oui, non. Qu'a priori, il a démarré avec... c'était de la marijuana et pas de la coke. D'accord. Mais qu'effectivement, c'était un mec qui faisait du deal, etc., qu'il n'avait pas du tout la tronche de Tom Cruise. Hein. C'était, son surnom, c'était... Enfin, dans le cartel, son surnom, c'était El Gordo. Ah ouais. Donc, le gros. Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. Et du coup, et que c'est un gars qui a jamais... Enfin, il a jamais dit qu'il regrettait quoi que ce soit. Il a dit, moi, j'ai vécu la vie que j'avais à vivre. C'était cool. D'accord. En gros, il s'est éclaté, quoi. Mais il est mort, quand même. Ouais, il est mort. J'ai pas vu comment il était mort. Okay. Si c'était le cartel qui l'avait tué, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Okay. Parce qu'il a été jugé et tout, mais il a jamais rien regretté. Il a kiffé sa vie. C'était une bonne petite raclure, quoi. Oui. Mec pourri, mais qui était très bon dans ça. Donc bon, après, voilà. Ouais. Et voilà. Ah ouais. Bah, moi, je suis pas si dur avec CV, mais je sais pas, mais après, j'ai plus d'esprit critique du tout. Mais je me dis, oui, sur la mise en scène aussi. Sur la réalisation aussi, à des moments j'étais là, ouais, bon. Parce que c'est pas trop. C'est un peu too much. Mais bon, ça marche en fait, dans l'esprit. Ça avance bien. Par contre, sur les côtés zéro conséquence, la vie est trop belle, tout va bien. Ouais, même les pauvres JB, en réalité, c'était un peu en raclure. Et le défonce avant de partir. Mais je me demande s'il le défonce pas avant de partir, comme ça, on se sent moins mal qu'il meurt. Et alors que c'est quand même les frères de sa femme, je sais pas. Oui, c'est vrai que tout est un peu... On voit pas... T'as beaucoup de... Alors, soit c'est énormément de second degré, mais tout est un peu léger, ouais, vraiment. Je trouve qu'il y a un truc, une grosse légèreté dans ce film. Oui. Et même les rapports avec les chefs du cartel, là, Ochoa et tout ça. C'est genre les vieux copains, trop sympas, trop gentils. T'as l'impression vraiment que... Je sais pas. Ah oui, non, c'est le Club Med, hein, le cartel de Medellin. Les mecs sont tout le temps tranquillou, ils boivent des couilles. Ils mangent des sandwichs, voilà. Mais bon, ça fait quand même passer 2 heures. Ça fait son office, clairement. Oui, tu sais pourquoi tu viens, tu sais pourquoi tu. Enfin, t'en as pour ton argent, comme on dit. Oui, t'as ta faim. Mais bravo, monsieur Liman. Par contre, j'aime bien les montages, moi, dès le début. Toutes les images d'époque, comment ils mélangent un peu les images d'époque avec les trucs d'aujourd'hui. Je sais pas, ça j'aime bien. Ouais. Et alors, il s'amuse un peu avec ça parce qu'il y a un moment, quand Barry Seal est arrêté et il va à la Maison Blanche, oui. Tu sais, il a la Maison Blanche sur un banc et il y a un gars qui lui parle, qui est à côté de lui. Oui. Et bien, c'est censé être le fils de George Bush. Enfin, ah George bon Bush Junior, le deuxième président, oui. Hein, George Bush. Mais il est vrai ou... Ah non, non tu le veux fou, dire, dans le film, c'est censé être... Ah ouais. Donc il s'amuse à faire plein de micro-références à droite à gauche. Bon, c'est... Voilà, que peut-être c'est on ne saisit pas complètement, mais... Non, je pense pas. Voilà. anecdote pas très heureuse, il y a eu quand même 2 morts sur ce film. Non. Dans un accident d'avion. Alors pas par rapport à une cascade, c'était un accident d'avion problème de météo, etc. dans un petit coucou. Et c'était des mecs qui étaient responsables de la boîte qui gérait les avions et tout ça. Ah merde. Donc c'est pas directement le tournage, mais c'est dépendant et c'est autour de ça. Ah ouais, chaud. Chelou, hein. Ah ouais, chaud. Voilà. Ok. Excusez-moi, c'était un petit peu le petit moment triste. Là, ah ouais. Ok. Comme quoi, parce que c'est vrai que tu te dis, y a quand même énormément de scènes d'avion. Oui. C'est pas forcément les trucs les plus faciles à filmer. Et en plus, un peu dangerous, quoi. Ouais. Ça, il y a vraiment des scènes un peu chelou. Les plateformes pétrolières où ils passent au ras et tout, tu fais, ah ouais, quand même. Mais même quand ils passent sur les gars, là, quand ils passent sur le chauffeur. Non, non, c'est chaud. Ok. Voilà. Bon, bah... J'ai d'autres trucs à dire, mais je pense qu'on en parlera quand on parlera de Tommy. Ouais. Non, après, je me suis fait la réflexion sur Doug Liman, du coup. Qui n'est pas très connu, mais qui au final a fait le premier Jason Bourne, qui a fait Edge of Tomorrow, et qui l'a fait Barry Seal. Tu te dis, ça va finalement, carrière pas trop dégueu, j'ai l'impression. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire après ? Eh bien, c'est lui qui va dans l'espace normalement. Ah, figure-toi. Yeah, hein, c'est vrai, j'oublie à chaque T'oublies, fois. T'oublies, hein ? Bah, on n'a pas des nouvelles, j'ai l'impression que c'est à sauter, mais. Je sais pas. C'est vrai que là, c'est un peu la tristesse en ce moment. Mais si jamais il va gagner à l'Oscar. C'est toujours... Rappelez-vous de mes mots. Bah, les Oscars, jusqu'où, justement, est-ce que c'est pas un peu la prochaine étape? Yes. And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar, and the Oscar goes... And the Oscar, and the Oscar goes... Goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes. Eh oui, les Oscars. Eh oui. Ce film n'a pas été nommé et n'a pas eu d'Oscar. Bizarre. Voilà, ça mérite d'être clair. Mais est-ce qu'il y a des gens dans cette équipe qui a eu des Oscars? Bah, maintenant, je vais le dire. Macquarie. Macquarie n'est pas du tout dans ce film. Merde. Il n'est même pas coproducteur. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire. C'est fou. Mauvaise affaire. Putain, la seule fois que je me rappelle de lui. Eh oui, et Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il n'est pas là, Macquarie? Bah d'ailleurs, ça n'a pas été un gros succès. Où est le cri-cri? Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pris. Mais je sais pas. Ah là là. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, bah non, bon, que voilà. Pas de cri-cri. Ok. Bah alors, je ne sais pas moi. C'est qui le comédien? Alors, j'avais te donné le nom de trois personnes qui ont eu une nomination aux Oscars. Ouais. Et c'est quoi? Il y a Jesse Plemons qui fait le shérif. Ah. Qui a eu une nomination aux Oscars pour... Mais oui, je me demandais où je l'ai déjà vu. Dans Power of the Dog, un truc comme ça, je ne sais plus. Ah, je crois que c'est là-dedans. C'est... Et il avait joué dans une saison de Fargo, qui était très bien. Ah oui, peut-être que je l'ai vu là. Ouais. César Charlone, qui est le directeur photo de La Cité de Dieu, film brésilien, qui avait eu une nomination. Ok. Et Andrew Monstein, qui avait eu une nomination pour le meilleur montage pour Sixième Sens. Oh non, ok. Et c'est qui a gagné? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé personne qui avait un Oscar dans cette équipe. Oh, ça doit être la première fois que ça arrive. Peut-être la deuxième, mais oui, c'est rare. C'est fou. Ah ouais. Bon, après, du coup, au bout d'un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit, je vais pas aller chercher vraiment dans le fin fond. Mais... C'est dingue. C'est dingue. Donc, déception. Voilà. Bah, parce qu'ils ont pas appelé cri-cri, quoi. Bah oui, Christopher McQuarrie, au moins, t'as ton Oscar assuré. De... Ah ouais. Voilà. Ouais, bah. Mais bon, les Oscars, en plus, ça change, tu vois. Cette année-là, il y a eu les résultats il n'y a pas longtemps des Oscars. C'était Everything, Everywhere, All at Once, qui a raflé plein de trucs. Et ben, mine de rien, ça change. Moi, j'aurais jamais cru qu'ils allaient les filer à Everything, Everywhere, quoi. Pas parce qu'on n'a pas aimé, parce qu'on a adoré. Ah bah oui. Non, mais en effet, la nature du film, c'est bizarre qu'ils ont donné autant d'Oscars. Et surtout qu'en fait, t'as Spielberg avec Fablemans, qui est vraiment le prototype du film à Oscar, un peu, quand même. Ouais, mais bon, ça change. Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est cool. C'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que les Oscars vont enfin devenir intéressants? On attendra qu'ils en donnent à Tom Cruise pour ça. Non, on verra dans 5 ans. Et du coup, oui, Top Gun Maverick avait eu montage son, je crois, un truc comme ça. Oui, bah, ouais. Tu m'étonnes quand même, oui. Le son, il est ouf. Ouais. Au moins donc, ça. Bon, par contre, du pognon, ce film en a rapporté. Oui, mais combien? Alors, c'est la rubrique économique, ouais. Ça va aller vite parce que bon, ça a coûté 50 millions. Ah, ça va, pas beaucoup. C'est pas très cher. C'est à peu près Jack Reacher 2, c'est à peu près le prix. Ah, c'est pas cher. Si on est tellement blasé. 50 millions. Que dalle. Une broutille. Que dalle. Un aller-retour de cocaïne. Hein. 50 millions, c'est fait. Une valise. Ouais. Et ça en a rapporté 135. C'est pas fou. Non, c'est on pas est fou. On est un peu dans le truc Jack Reacher 2, donc c'est pas une réussite. Non, mais ça, part tu perds pas d'argent, mais ça a pas marché. Personne n'en parle de ce film. Non. Quand après, on parle de Tom Cruise, je pense que personne ne l'a vu, ce film. Ben ouais, nous. Nous, mais nous, on l'a vu. Yeah. Non, en plus, ouais, c'est pas mal, tu vois. Mais oui. Ça fait, je sais plus, Night and Day, ça avait fait un peu ça, non? J'ai l'impression. Je retrouve les chiffres, mais dans mon souvenir, parce que le premier Jack Reacher, il avait à peu près le même budget, mais il avait bien cartonné. Ouais, ouais. Rock of Age, bon, ça n'a pas marché, on va pas se mentir. Et Night and Day, ah non, Night and Day, ça avait coûté le double, quand même. 117 quand 000. Mais ça en avait rapporté beaucoup. Ça coûtait pas cher, toutes les scènes d'avion, les machins. Ben ouais. Il y a beaucoup de scènes d'époque, en fait. Les films constituaient majoritairement des scènes d'archives. Après, ça coûte pas cher en cascadeur. Parce que notre ami Tom Cruise... Il a tout fait. Il a fait toutes les pilotes. Tout le c'est pilotage. Vrai ouais, ouais. Bah, il est pilote. Il est ouf. Il est ça ouf. Fait des années maintenant que, là en 2017, il est déjà pilote depuis un bon moment. Mais c'est pour ça qu'il a fait ce film, parce qu'il voulait piloter les bimoteurs les plus vite. Je sais pas, ouais. Je sais pas comment c'est. Parce que j'ai vu que du coup, c'était un gars qui avait le scénario sous le coude. Après, ils ont recruté Doug Liman. Je pense qu'ils ont recruté Doug Liman en premier et très très vite, ils ont dû se dire bah, Tom Cruise, avion, bah allons-y, oui. faisons-le plaisir. Bah oui. Donc, notre ami Tom Cruise, cascade pilote. Quoi. Pas mal. Pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Tom Cruise, quoi? Ah, je sais pas, c'est difficile, hein? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé, moi. Bah, ah ouais, t'as beaucoup aimé. Moi, je me dis, j'aime bien. C'est une des premières fois où. Bah, ceci dit, on a vu beaucoup d'émissions impossibles jusqu'à là. Oui. On n'en peut plus d'émissions impossibles. Enfin, le Tom Cruise dans Mission Impossible, il n'a plus trop d'intérêt. Voilà, et du coup, ça change. Ça change les rôles. Et il est quand même hyper crédible. On ne se dit pas, ah, oh, qu'est-ce qu'il fait, c'est chelou. Ah ouais. Il a quand même. Il joue bien. Mais bon, il n'y a pas non plus des. Comment dire? Il n'y a pas un peu des occasions des ouf des jouets. Je trouve que c'est un peu... Ah ouais. Moi, je trouve que pour la peine, tu vois, le personnage, il est bien et il le tient bien jusqu'au... C'est une raclure, en fait. Le mec, c'est pas un bon gars, tu vois. Non, c'est pas un bon gars. Et je trouve qu'il est bien sur ce personnage qui est un peu... tu vois, qui est vraiment un petit con, quoi. Pour moi, ça m'a fait penser, c'est Joel Goodman de Risky Business, mais plus vieux. Ça, c'est vraiment le truc, tu vois. C'est le gars qui est un peu branleur, qui aimerait bien se faire du pognon, qui a pas trop de... Il a pas une moralité de dingue. Non, mais ça, c'est bien, mais c'est bien dans les persos, mais c'est pas... Eh ben, je trouve qu'il l'incarne vachement bien. Ah, j'aurais dit qu'il pouvait y aller un peu plus, mais... Ah, moi, je trouve que c'est plutôt bien, tu vois. Parce qu'il, très bien. Il vire pas trop vers le truc un peu héroïque, jamais, en fait. Il y a toujours à des moments où il va un peu dégrader le personnage, il va faire bon, voilà, ça reste quand même un peu une merde, quoi, ce mec. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr. C'est un mec qui flambe, quoi. Il fait le mec qui flambe, mais en même temps, bah, il est un peu foireux, quoi. Il est un peu raté, ouais. Ouais, ouais, tu vois. Ça. C'est un beau parleur, enfin, il y a le truc, tu vois. Et ça m'a vraiment fait penser à ce personnage dans Risky Business. Je me suis dit, c'est trop drôle, quoi. Il a mal vieilli. Ouais. Bon, après, il a fait du pognon, quoi. C'était l'objectif. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, mais tu vois, il y a peut-être. Pourquoi il s'est pas arrêté? Je veux dire, t'as fait autant de pognon, basta. Et surtout, il en a trop du pognon, il sait plus quoi en faire. Bah, je sais pas. Ah. Bah, en plus, en pas longtemps, après, c'est ça. En quelques années, en 5 ans, il se fait énormément de pognon. Oui, après, basta, quoi. Tu arrêtes. Mais il a pas cotisé pour sa retraite. Non, mais bon, attends, je pense qu'il s'en fout. Oui, des millions et des millions et des millions. Mais peut-être que. Je sais pas en fait comment ça se passe. Non, mais tu vois, Escobar, c'était le même problème en fait. À quel moment? Et il pouvait s'arrêter avant. Oui, mais après, Escobar, il avait une position de pouvoir dans une société. Ben, ici, elle complètement pas. Il a rien. Après, c'est vrai qu'Escobar, à un moment, c'est plus le pognon, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Oui, bah, ici, c'est le pognon, mais c'est vrai qu'à un moment, il n'en a plus du tout besoin. Ben non. Ça devient débile. Bon, bah. Mais ça, c'est sur sa vie en général, rien à foutre. Tom Cruise, d'accord, ok. Bah, t'as bien aimé. Bon. Ah ouais, moi j'ai. Ouais, si, non, mais moi aussi j'ai bien aimé, mais c'est juste. J'espérais un peu plus. Tu vois, c'était la dernière occasion pour voir vraiment Tom Cruise dans un truc où tu dis ah ouais. Oui. Alors, c'est vrai que c'est là, pas. Là, c'est un peu. J'étais un peu déçu. Oui, c'est pas méga original. Non. Mais moi, je trouve qu'il est hyper efficace sur un rôle qui n'est pas son rôle habituel, quand même. Oui, il est crédible. Son rôle habituel, quand il doit faire une enflure, c'est un peu ça, tu vois. Oui, c'est toujours un peu ça. Alors qu'il pouvait y aller un peu plus, être un peu plus peureux, je sais pas. Ah oui. Un peu plus... Ah, je sais pas, moi j'ai bien aimé justement. D'accord. Ouais, voilà. Voilà. Bref. Et t'as des anecdotes sur Tom Cruise. Sur Tom Cruise, je crois. Mais que l'histoire pas trop... du dent, c'est son vrai dent ou pas? Non, je pense que c'est un fake. J'ai pas trouvé en tout cas. Ok. Non, j'ai pas de. Mais t'as dit que t'avais des anecdotes que tu allais dire après quand on parlait des Tom. Ah oui? Bah oui, t'as dit ça. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Bon, bah non, tu vois, je retrouve pas. Ok. Non, il a fait ses cascades, ça je l'ai dit. Oui, peut-être c'était ça, peut-être c'était juste ouais, ça. C'est pas ouf, hein, comme... ça on s'en doutait, on tu le vois. Savait. J'ai même écrit, mais alors qui a fait ses cascades lui-même? Plus rien à dire. Ah oui, j'ai vu une anecdote un peu bizarre, qu'apparemment, alors là en plus, comment c'est écrit, c'est génial, les Narcos, la série télé, ouais. Ils tournaient du coup en Amérique du Sud, et Barry Seal a tourné en Amérique du Sud, et ils se sont croisés à un moment. Alors ça devait être les dernières saisons de Narcos et donc le tournage de Barry Seal. Et apparemment, bon, ils ont discuté, machin, et Tom Cruise a dit « Ah, mais ça a l'air bien votre série, je vais la regarder. » Et vraiment, l'anecdote, elle est écrite comme c'est ça. Fini. Tu fais, c'est nul. Je vois vraiment les anecdotes, il faut que j'arrête, je commence à plus y croire à aucune. C'est la cata. Bon. Et là, vraiment, le truc, genre « Oui, Tom Cruise a dit qu'il allait regarder la série. » Ok. Bon, c'est complètement random comme anecdote. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a... Non, Rotten Tomatoes, tout à fait. Rotten Tomatoes, 85%. Oh. Ouh. Énorme. Ouais, les critiques étaient bien. Les critiques, ouais, les gens ont bien aimé. Bon divertissement. Tout le monde dit, comme d'hab, que Tom Cruise est fantastique. Ouais. Ça, vraiment... C'est ça, ouais. C'est... Voilà. Après, il y en a qui disent, ouais, est-ce que c'est pas un peu facile? Bon. Oui. Parce que c'est, comme c'est très romancé, mais en même temps, c'est du cinéma, tu vois. Il y a un moment. Oui. Les trucs inspirés de faits réels, c'est plus de la com que autre chose, quoi. Bah après, c'est, vrai, c'est rigolo de savoir. Il a existé, lui, quand même. Oui. Mais c'est un film, mais, ouais. Mais c'est un film. En fait, au final, tu y vas, si on te raconte vraiment la vie du gars, ça peut être chiant, tu vois. Oui, nous, oui, ce qu'on oui, veut, ouais, c'est du cinéma, quoi. Et inspiré d'un fait réel, oui, c'est parce que ça te fait. C'est l'argument marketing. Mais oui, en vrai, oui, nous, on veut du cinéma. On veut justement que ce soit trop. Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Donc, et Allociné. Ah, 3,8. 3,8, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, et ça, nous, qu'est-ce qu'on en dit? On cruise au mètre. Yes. C'est l'heure du coup. Et oui, le cruisomètre. Oui. Cette échelle de 0 à 100 exprimée en pourcentage qui va donner un peu la place de ce film pour nous dans la carrière de Tom Cruise. C'est yes, à peu près ça. Hein. Je crois que je commence ouais, à bien le résumer, j'ai l'impression. Ouais, l'avant-dernier épisode. Ouais, bah, c'était mieux vaut tard que jamais. C'est déjà pas mal. Donc là, on approche de notre classement final. Alors, moi, je trouve que les cruisomètres, ça a été une idée qui nous faisait kiffer au début. Et qui devient, et qui devient pénible depuis 3 saisons. J'en peux plus. Depuis 3 saisons sur 4, ok. Ouais, c'est ça. Quand la première saison, c'était rigolo. Facile. Parce que c'était simple. Mais là, putain, c'est chaud. Alors, moi, je prends toujours ton plaisir. Beaucoup. Ouais. Parce qu'il n'a pas marqué beaucoup les esprits. C'est ça. Cruise, oui, mais bon, c'est pas ouf. Maintenant que tu me dis qu'il y a 2 morts sur les 7, encore moins. Ah bah après oui, mais c'est pas... Mais j'ai pas envie de donner trop peu, parce qu'il est quand même... Il est plaisant. Il est plaisant, tu le regardes. Et la performance est bonne. Et voilà. Donc, alors, tout ça pour dire 30%. 30%. Je sais pas. Un petit. Je vais peut-être 30%. Changer après ta note, comme d'hab. Vas-y, dis ta note. Moi, je m'étais mis en gros... Alors, j'étais emmerdé après, mais bon, je vais t'expliquer. En gros, j'étais sur ces rôles de, entre guillemets, méchants. Essayer de voir qu'est-ce est-ce que c'est plus marquant, moins marquant, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va être vers Risky Business, quoi, tu vois, parce que c'est pas aussi marquant que Collatéral, voire que Entretien avec un vampire. Ouais. Mais c'est de ce calibre-là. Sauf que c'est un peu moins connu que Risky Business, quoi. Risky Business, c'est quand même, c'était les cartons du début, quoi. Ouais, c'est pour ça. Et donc? Et du coup, le problème, c'est que il y a aussi Taps, tu vois, qui est pas mal, Taps. Et Taps, c'était génial. Taps, c'est un bon pour méchant coup, en plus. C'était vraiment bien. Donc je, alors ça, après, ça m'embête parce que ça me, enfin, ça veut dire que faut que ça descende un peu en dessous de 50%. Ah bah ouais. Ouais. Ah bah oui. Mais après, il y avait deux, je sais plus. Le problème, c'est que je l'ai pas noté, mais il y avait des films, je voulais pas qu'il aille en dessous. Mais je sais plus lesquels. Donc je crois que ça doit être un truc genre 48%. Il faut que je sois dans ces eaux-là. Oui, ouais, parce peu près... moi j'ai mis, même si tu mets 50, moi j'ai mis 30, donc ça ferait 40, quoi. Ah oui, oui, sur le global, c'est vrai, j'avais pas pensé au global. Bon, écoute, je vais mettre 48, et puis. Ouais. Parce que 50, il y a vrai, Taps. C'est vrai que Taps, c'est peut-être un de mes films préférés ouais, des Tom Cruise que j'avais jamais vu. C'est vrai. Ouais, aussi. Ça a été génial. C'était film, très très bien. Bref. Et en plus, comme c'était au tout début, on a dû mettre 50 chacun. Oui, on l'a vraiment bidon. Dit, on s'est dit, allez, on part de là. Ce serait au-dessus, ce serait en dessous. Effectivement, peut-être que... Il ouais, faudrait le augmenter un peu. Bon, ouais, bref, au vu. Ouais, au vu de tout ça. Ouais. The recommendation. Non, d'abord, ah, il y a pardon, quelque chose d'autre. Why is Tom Cruise Ken always Tom Cruise? Running? Why is Tom Cruise Ken always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter? And Tom Cruise did Tom fly Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes? La question. Mais oui, j'avais oublié la question. J'avais oublié. Bah oui, alors. En plus, tu la connais pas. Eh ben non. Alors, comme on approche un peu de la fin pour nous, enfin pour ce cycle du podcast, et la fin de carrière de Tom Cruise un jour peut-être, je me suis dit, on en a parlé un petit peu tout le temps, mais pour toi, c'est quoi la fin de carrière rêvée de Tom Cruise? Oh là, putain, c'est chaud ça. Le truc, voilà, qui va vraiment mettre la touche finale. Tu dis ça, il fait ça et après il s'arrête. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, il va dans l'espace, il fait un selfie et il s'arrête. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse l'ultime cascade qu'il peut jamais plus reproduire, tu vois. Genre ouais. L'espace. Genre c'est mourir, très bien comme mourir dans l'espace. Mais avec un personnage réellement différent. OK. Tu vois, qu'il ne fasse pas les héros dans l'espace, forcément. Donc, en gros, qu'il finisse sa carrière sur un rôle que personne ne lui a jamais connu. Oui. Okay. Alors, ah, lesquels rigolo, parce qu'il a fait beaucoup de choses, donc je ne sais pas trop quoi. Mais un rôle que tu dis, ah, quand même, tu vois, un peu comme... Ah, t'es un peu en train de mettre tous les fantasmes sur un truc. C'est-à-dire il fait une cascade films, de ouf, il est dans l'espace, et en plus, il fait un rôle que personne ne connaît. Ah, ça fait beaucoup, je trouve. Bah oui. Et il gagne un Oscar pour ça. Voilà. À titre posthume, parce qu'il est mort en cascade. Non, non, non, pas mort en cascade. Je lui souhaite pas, mais. Ah, mais ça pourrait mais genre, être. Pas complètement... l'héros, quoi. Pas l'héros. Alors, s'il veut faire un racaille, un vrai racaille, mais je pense qu'il la fera pas comme dernier film, ça m'étonnerait trop. Mais peut-être un truc un peu plus, je sais pas, faible. Ouais, je le vois pas sur sa fin de carrière à aller chercher un rôle complètement différent. Non, je pense pas. Non. Peut-être aller plus sur des trucs un peu plus sensibles, et encore même ça, tu vois, je me disais, est-ce qu'il peut finir sa carrière sur un truc pas d'action, un truc vraiment sensible, un peu dramatique, enfin, tu vois. Genre, c'est un de tes trucs de dire, il se réconcilie avec Spielberg et ils font un dernier film et ils font une petite, petite comédie dramatique un peu sympa où il a un rôle chouette d'homme vieillissant, tu vois. Ouais, ça peut être génial. Joli, ça. Ou alors, il meurt en cascade. Ça, non. Là, le terme iconique, si tu veux... Ça, c'est iconique. C'est iconique de fou, quoi. Mais j'espère James pas. Dean, il fait deux films, accident de voiture, même pas en tournage, et iconique. Ouais, là, Tom Cruise, avec tout ça, il a fait les cascades les plus dingues du monde. Oui, c'est vrai. T'imagines? Oui, c'est vrai. C'est triste, après, voilà. Alors, bon, ok, alors j'ai dit... Avant-dernier film, l'espace, ouais. Avec Doug Liman, super-héros, ouais. Machin. Et en effet, dernier film, peut-être... Spielberg. Soit réconciliation avec Spielberg, soit le nouveau réalisateur. Genre un peu Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Ah oui, genre le nouveau Thomas Anderson. Un rôle où vraiment tu fais « what the fuck ?» Okay. Et après, il fait... Il est vraiment du bon cinéma, tu moi, vois. Moi, je pars à la retraite, les gars. Et là, c'est ciao. Bon. Si vous doutiez toujours que je suis un acteur, allez, ciao. Voilà. Genre Bong Joon-ho ou les gars de Everything, les Daniels. Les Daniels. Ouais. Ah ouais, grave. Mais un film des Daniels avec Tom Cruise, ça serait ouf. Les mecs, ils sont trop, trop malins. Et en plus, tu leur mets Tom Cruise qui peut tout faire. C'est génial. C'est grave, ils adoreraient, tu vois. Ce serait fantastique. Et je pense que lui pourrait se plier à des nouveaux réalisateurs qu'il aime bien et que, voilà. Peut-être maintenant, ils sont un peu trop connus, mais... quelqu'un même de plus méconnu, mais voilà, ouais. Un truc comme ça. Ouais, faisons ça. Faisons ça. Je paye. Je regarde ça. Ah bah oui, carrément. Voilà. Bon, voilà. Toi, tu t'es dit Spielberg. Non, je sais pas. En vrai, je n'arrive pas à savoir. Je pense qu'elle va être, sa fin de carrière va être décevante. Ouais, je pense aussi. En vrai, si on veut être un peu réaliste, la plus crédible, c'est qu'il meurt en cascade, en fait, dans toutes nos théories. Malheureusement, tu vois. Ce qui n'est pas la plus heureuse, hein, mais bon. Ou alors après, il nous surprend, il condamne la Scientologie, il se réconcilie avec Spielberg, il fait tout notre plan. Et là, et genre, il est vraiment vieux, tu vois. Un truc où il est mais vraiment ça, vieux. Ça, j'aimerais bien, ça. Ouais. Parce que là, c'est, dans plein de films, c'est un peu esquissé. Tu vois, même dans Maverick, il y a ce truc de « Ah, je suis vieux, mais bon, chaud. Je vais quand même me sortir les doigts et sauver le monde, quoi. » Mais un jour, vraiment, un film où il joue le vieux, quoi. Il accepte d'être de son âge, en fait. Ouais. Il n'est pas si vieux que ça, mais... Mais qu'il ne fasse pas le vieux comme Clint Eastwood fait le vieux, tu vois. Non. Non, si possible. Le réac de droite. Le vieux réac qui est encore un peu un bonhomme, tu vois. Non. Mais genre un peu Paul Newman, tu vois. Ouais, dans La couleur de l'argent. La couleur de l'argent. Tu vois aussi ces trucs-là où tu dis quand même c'est touchant, il se fait arnaquer par les jeunes. Bon, bref. Allez, il finit, nous fait un film où il nous touche, où il montre ses faiblesses qu'il est. Ça serait bien. Ouais. En plus, Paul Newman, c'était un peu son idole. Bon, oui, complètement. Donc, et par contre, qui condamne la Scientologie, s'il vous plaît. Ça avant de finir, ce serait sympa quand même. Mais bon. Recommendation, voilà. C'est le moment de la recommendation. Il faut recommander alors, des choses. Bon, allez, recommandons des choses. Il faut alors, recommander. Alors, j'ai beaucoup c'est jingle. Réfléchi. C'est vrai qu'on n'a jamais eu jingle sur cette non. section, de vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est trop tard. C'est trop tard. J'ai beaucoup réfléchi à recommandation. J'ai rien vu sur la drogue. Je ne regarde pas les films sur non, la drogue. Non, mais films sur la drogue. J'ai regardé films sur la drogue que j'ai pu oublier. Ouais. Rien vu. Ok. Rien vu. Sicario, bon. Trafic, ouais, rien vu. Rien. Bon. Pablo Escobar, la série, pas vu. Pas vu. Bon, ben voilà. Donc, mon seul accroche, c'était les cassettes de... Oui, ces films-là. Les VHS. Et du coup, j'ai pensé à un film que j'avais beaucoup aimé, que c'était Be Kind or Wine. Ah oui. Qui peut-être j'ai déjà conseillé, mais je m'en fous. Regardez-le. Il est vraiment très bien. Sauf la fin, qui est pourrie. Mais bon, toute la part... Hein. Si, elle est nulle, la fin. Moi, je ne me rappelle plus. Moi. Mais oui, après, il est trop rigolo, ce mais film. Après, tous les c'est reprises des films, c'est génialissime, quoi. Ah ben là, c'est du Michel Gondry plus, quoi. Ouais. Aux États-Unis, chose qui est... Voilà. Ouais. Mais avec, très avec bien. Jack Black. Ouais, Jack Black et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Et Mos Def. Hein, hein? Non. Si. Comment tu dis? Mos Def. Ah ouais. Hein? Non, j'ai vu tout à l'heure. Ok, peut-être. Je sais plus. Et bref. Il me semble. Mais... Très très bien, très beau film. Voilà. Classe. Donc cassette related. Et toi? Et moi, je fais une recommandation. Je pense qu'on l'a déjà fait. Je sais plus si c'est toi ou moi qui l'a fait. Mais en partant du principe que tous les Américains ne sont pas des salopards. Je veux dire, not all Americans. Tu vois? Alors, et s'il y a bien un Américain qui n'est pas un salopard, qui est l'homme le plus gentil du monde, c'est Ted Lasso. Oh oui, il est trop bien. Et je crois qu'on l'avait déjà recommandé. Tu l'as hein. déjà fait. Ah, c'est moi je qui l'avais fait. Toi. Mais là, moi, comme la troisième ou quatrième saison vient de sortir, je me dis, ah, c'est le moment de relancer Ted Lasso, l'Américain le plus sympathique à l'étranger. Il est génial cette série. Ah, c'est la série où tu fais, ah, t'es content bien. De les revoir tout ça. Voilà. Et tu l'as revu du coup la nouvelle saison? J'ai commencé à regarder, ouais. Ah, j'ai pas vu. Et là, juste, tu revois tout le monde, t'es content. C'est trop bien. Elle est trop bien cette série. Very good. Voilà. Et après, il y avait mon petit plaisir coupable, ça s'appelle About Time, qui est une rom-com dans le temps, oui. Avec Domhnall Gleeson qui joue Schaeffer. Ouais, mais on l'a déjà conseillé. Elle est bien cette comédie romantique, je l'aime bien moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue, je ne sais pas. Oui, elle est bien. Avec Rachel McAdams. Moi, quand je l'ai vue, je fais un peu bof. Et après, à y réfléchir tu dis ouais, si, c'est chou. C'est un petit plaisir coupable un peu quand même. Si. Ouais. Voilà. Very good. Alors, maintenant que cet épisode est terminé, oui. On va se retrouver dans deux semaines. avec Mission Impossible Fallout. Seven. Le sixième. Sixième. Six. Sorry. ce sera le dernier épisode de la quatrième saison de Cruise Control. Yeah. Qui, techniquement, est un peu notre dernière saison, puisque on va pas attendre encore les films. Temps. On va quand même pas arrêter là. On fera d'autres épisodes, notamment quand les Missions Impossibles sortiront. On fera des épisodes spéciaux. Enfin, on a plein d'idées, etc. Donc, il faut continuer. Il faut rester abonné au podcast et continuer de suivre. Et continuer à mettre des cœurs. Des petits cœurs. Des étoiles. Il faut continuer d'aller sur PodCloud, notre hébergeur. Bien sûr. Il faut continuer d'aller sur Instagram pour suivre @cruisemeter. Sur Twitter aussi, on peut. @cruisemeter, ça marche aussi. On peut aller sur le site. Regardez, écoutez les anciens épisodes. On mais peut regarder les films. On peut encore faire plein de choses. Et c'est incroyable. C'est dingue. Donc voilà, on n'a rien de plus à vous dire. Non. On se dit à dans deux semaines et des bisous. Des bisous.